Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'histoire d'une réforme aussi controversée qu'historique, fondamentale et identitaire de la France, la loi de 1905. Le 3 juillet de cette année-là, l'Assemblée nationale coupe le cordon qui relie l'État à l'Église catholique, et ce depuis des siècles, sous une forme ou une autre, souvent sous la forme du pouvoir que l'Église catholique a partagé avec tous les rois détenteurs du droit divin, une forme de gouvernance qui était l'exact contraire de l'égalité des chances, le contraire de l'idéal républicain. Alors, la Troisième République, âgée de 35 ans, en 1905, a dit à l'Église « Maintenant, ça suffit. Désormais, les affaires religieuses deviennent des affaires privées. Pas de place dans l'espace politique public. » C'est le début de ce qu'on appelle la laïcité à la française. Pourtant, au début des débats entre les anticléricaux et les religieux, le Parlement est loin d'être unanime sur la question. En réalité, si la loi a pu voir le jour, c'est surtout grâce au travail acharné d'un homme, Aristide Briand. Pendant les longs mois de préparation puis de discussion du texte, cet homme d'État, décidément pacifiste, s'est à la fois employé à rassurer les catholiques, mais aussi à désarmer les laïcistes les plus virulents. Comment ce député novice de 42 ans a-t-il réussi à rassembler la majorité des parlementaires autour de ce projet? Pourquoi une telle loi a été nécessaire? Et surtout, que dit-elle? Notre invité aujourd'hui, Valentine Zuber, historienne et autrice de La laïcité en débat au-delà des idées reçues, parue aux éditions du Cavalier Bleu en 2017, puis reparue dans une édition complétée l'an dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Guillaume Malandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Paris, 3 juillet 1905. Assis autour des tables sur la grande terrasse de la brasserie Bourbon, les clients échangent. Le vacarme incessant des calèches qui remontent la rue pavée trouble à peine les débats, pour le moins animés. Il faut dire que ce 3 juillet s'annonce historique. C'est le jour du vote de la loi qui doit bouleverser les liens entre les institutions religieuses et l'administration, la loi sur la séparation de l'Église et de l'État. Au Bourbon, comme dans tous les cafés de France, on ne parle que de ça. Si l'émission Affaires Sensibles avait existé à cette époque, elle eût certainement consacré au sujet une semaine entière, tant il est sensible, justement, clivant et tellement important. À ce titre, deux unes de l'époque résument la situation. La première vient de l'Humanité, la seconde est un extrait du journal très conservateur, L'Univers. Sur les valeurs, vous allez l'entendre, c'est typiquement un débat gauche-droite. Ce grand débat sur la séparation des Églises et de l'État arrive à son épilogue, à sa conclusion logique et certaine. C'est la séance que rendra solennelle un vote historique. Une opposition sans grandeur ni puissance à épuiser ses manœuvres chétives et ses intrigues puériles. Elle n'a plus que le souffle nécessaire à une protestation superficielle et vaine. Dans la cour des communs, la meute hurlante, flairant sa part de la proie capturée, couvrira de ses aboiements joyeux et gloutons les cris des valets. Chacun veut planter ses crocs dans les entrailles de la victime et emporter son morceau à pleines dents. Ils se poussent, se heurtent, se querellent, se mordent et se battent malgré le fouet et les appels du surveillant qui préside à ce hideux festin. Quelques dizaines de mètres de là, au sein de l'imposant bâtiment de l'Assemblée nationale, l'atmosphère est électrique. 564 députés se sont entassés dans l'hémicycle, où ils doivent bientôt procéder au vote. Mais avant, ils doivent entendre le discours final du rapporteur de la Commission et député socialiste de la Loire, un certain Aristide Briand. Voilà 2 ans qu'il oriente les débats de la Commission parlementaire chargée de la rédaction du texte de loi. Et pendant tout ce temps, l'ancien avocat de 44 ans n'a eu de cesse de vouloir rassembler des visions et des sensibilités différentes, tellement différentes, autour de cette question éminemment politique, philosophique, une question de civilisation même. Le dernier discours de Briand est donc le point final de son numéro d'équilibriste. Il doit à la fois convaincre les catholiques que ce texte n'est pas dirigé contre eux, tout en ménageant la gauche partisane d'une laïcisation radicale de la société. Autrement dit, rassembler le pays autour d'une loi qui, par définition, doit diviser, apparaît comme un défi à l'impossible. Alors, chaussé de ses petites lunettes cerclées, l'homme monte les marches et s'avance jusqu'au pupitre. Il s'éclaircit la voix et, armé de son charme et de son éloquence, se lance dans un discours fleuve dont un extrait nous est lu ici par Aurélien Labruyère. Vous ne pouvez pas reprocher à la Chambre d'avoir agi hâtivement. Pendant ces 3 mois, l'opinion publique a suivi ces débats. À droite, vous nous redoutiez. Vous nous traitiez de sectaires et de jacobins. Vous vouliez une autre législature, moins passionnée. Nous avons discuté avec vous longuement et équitablement. Qu'avez-vous à dire maintenant ? Oui, notre loi est une loi de liberté qui fait honneur à une assemblée républicaine. Dans ce pays où il y a des millions de catholiques qui pratiquent, les uns par foi, les autres par habitude, par tradition de famille, on ne pouvait faire une séparation qui n'aurait pas été acceptée par eux. Cette idée a surpris beaucoup de républicains. Ne savent-ils point, cependant, que l'Église a des partisans qui, calmes aujourd'hui, peuvent devenir passionnés demain ? Je disais au début à nos amis, prenez garde, la majorité est faite d'éléments divers. Si chacune de ces fractions veut faire triompher ses idées particulières, il est inutile d'entreprendre notre tâche. La séparation est un de ces problèmes irritants qui sont le plus propres à passionner les masses. Nous voulons le résoudre de telle manière que les consciences ne soient pas troublées et que demain la religion soit pratiquée librement comme elle l'était hier. Beaucoup de nos adversaires ont reconnu que la loi est suffisante pour que l'Église se développe en toute liberté. Si elle ne peut se développer sans le concordat, c'est que l'Église est morte. Après ce tour de force dialectique, Briand se rassoit, satisfait sous les applaudissements d'une bonne partie de l'Assemblée. Vient alors le moment de vérité, le vote. Paul Doumer, le président de l'Assemblée nationale, lance la procédure. Les mains des députés se lèvent, le décompte est effectué, la loi est adoptée par 341 voix contre 233. C'est une victoire éclatante pour Briand. Voilà comment le 3 juillet 1905 devient une date pour l'histoire, la grande, parce qu'elle marque la rupture totale entre la religion et la sphère publique. C'est la fin d'un siècle de concordat et la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui encore la laïcité telle que nous, Français, nous l'entendons. Ainsi, les deux premiers articles de la loi, regroupés sous la rubrique « Principes », entrent-ils dans l'inconscient collectif. Article 1er. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. En ce 3 juillet 1905, le député Aristide Briand repense à toutes celles et tous ceux qui ont permis l'avènement de la loi. Il faut dire qu'au moment de l'adoption de celle-ci, l'idée d'un divorce entre les cultes religieux et l'État n'est pas nouvelle. Dès le XVIIIe siècle, le fameux siècle des Lumières, des philosophes comme Voltaire ou Diderot avaient milité pour l'affranchissement des dogmatismes religieux. D'ailleurs, en France, une loi similaire à celle de 1905 avait déjà été votée 111 ans plus tôt, oui, le 18 septembre de l'an 1794. 5 ans après la prise de la Bastille, un vent de révolte avait soufflé sur tout le pays. La France, cette vieille monarchie de droit divin, fille aînée de l'Église, était désormais une république. Et elle comptait bien acter le divorce avec les institutions religieuses à qui l'idée de république donne un sérieux urticaire. Le 18 septembre 1794 donc, saletant pour la calotte, la toute nouvelle convention nationale, l'ancêtre de l'Assemblée, supprime tout bonnement le budget destiné aux religieux. Le décret stipule même que la République ne salarie aucun culte. Dans la foulée, les biens de l'Église sont nationalisés et les privilèges du clergé catholique abolis. Cependant, cet épisode de laïcisme radical pour les uns, tout simplement laïque pour d'autres, est de courte durée. En effet, 6 ans plus tard, en 1801, Napoléon arrive au pouvoir. Immédiatement, il abroge les lois de séparation et replace la religion dans la sphère publique. Des accords sont signés entre l'État et le Vatican. Le régime du Concordat est né. Ainsi, le catholicisme est-il déclaré religion majoritaire. Évêques et prêtres sont payés par l'État et doivent prêter serment de fidélité au gouvernement. Convention entre Sa Sainteté Pie VII et le gouvernement français. le gouvernement de la République reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français. Sa sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France et de la profession particulière qu'en font les consuls de la République. Article 1er. La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France. Son culte sera public en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique. Avec le concordat, les relations entre l'Église et l'administration s'apaisent. Peu à peu, une partie de la bourgeoisie libérale se réconcilie avec les conservateurs catholiques. Alors, à partir de 1850, l'Église reprend peu à peu du pouvoir au sein de l'appareil d'État, notamment dans l'enseignement, un territoire qu'elle a plus ou moins annexé. Mais les religieux doivent faire face à un nouveau danger. Lors de la deuxième moitié du XIXe siècle, en effet, on observe l'émergence de deux courants de pensée qui font trembler la vertu cardinaliste et surtout son pouvoir. Le libéralisme, au sens politique du terme, disons la bourgeoisie éclairée, pour elle la foi est une affaire privée, et le socialisme qui lui voit la religion comme un obstacle à l'émancipation des peuples. C'est ainsi que l'Église commence à perdre ses ouailles, fléau qu'elle entend combattre et par tous les moyens. Ainsi, dans toute la presse catholique, on voit fleurir des articles enragés contre la démocratie et la République. Autant de symptômes, aux yeux de la soutane, d'une dégénérescence de la société moderne, comme le montre cet éditorial d'Eugène Tavernier dans le journal catholique Univers. Des athées résolus et forcenés, nous en sommes riches. L'avènement de l'athéisme n'est-il pas un phénomène logique, la phase de l'éternel progrès ? Cette conviction s'est répandue profondément. Elle occupe sa place avec une telle aisance que nombre d'hommes politiques n'ont pas l'idée d'un autre régime. L'homme s'est émancipé, il n'a plus de compte à rendre. Désormais, le néant qui produit tout donne l'explication de toute chose, au point de supprimer l'envie de voir expliquer quoi que ce soit d'important. On murmure, ou bien on vocifère, et la curiosité véritable n'a plus de raison d'être. La paralysie intellectuelle est le glorieux aboutissement de l'orgueil humain. La deuxième moitié du XIXe siècle est donc marquée par l'affrontement vigoureux entre les partisans du cléricalisme conservateur et ceux d'un laïcisme de plus en plus virulent. Au niveau politique, ce sont ces derniers qui gagnent du terrain, notamment grâce à la victoire des Républicains lors de l'élection de 1879. Et ils comptent bien en profiter pour faire le ménage dans l'administration et, en premier lieu, dans l'enseignement. Dès 1880, sous l'impulsion de Jules Ferry, l'éducation est nationalisée. Des milliers de jésuites qui assurent une grande partie de l'enseignement scolaire sont non seulement évincés, mais boutés hors de France. Plus généralement, l'administration et la fonction publique sont épurées de leurs membres les plus conservateurs. Cependant, pour de nombreux républicains, ces changements ne suffisent pas. Au tournant du siècle, en 1901, une première loi emblématique est votée, la fameuse loi sur les associations. Elle inclut des dispositions spécifiques pour la religion, désormais. Pour exister légalement, chaque congrégation doit faire une demande d'autorisation auprès de l'administration et n'importe quel groupe religieux peut être dissous par simple décret. Article 15. Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses. Elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles. La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom de famille, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation. Article 18. Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans un délai de 3 mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ces prescriptions. À défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Pour de nombreux républicains, cette loi de 1901 doit être utilisée comme un tremplin vers une loi définitive sur la question religieuse, histoire de la résoudre une bonne fois pour toutes. Alors une idée fait son chemin. La séparation de l'Église et de l'État, et plus précisément la séparation des Églises et de l'État, on y reviendra. Elle devient la promesse phare du Parti radical pour les législatives de 1902. Lors de la campagne, la réforme est surtout portée par le chef de cette formation de gauche, un ancien séminariste devenu athée et farouche adversaire des catholiques, Émile Combes. Le 11 mai, la gauche l'emporte d'une courte tête. À 67 ans, Combes devient président du Conseil et dispose d'une petite majorité au Parlement. Il va pouvoir faire le ménage. Dès son investiture, il mène ce qu'il appelle une politique énergique de laïcité. Autrement dit, appliquer la loi de 1901 à la lettre. Ainsi, les demandes d'autorisation sont refusées en bloc et plus de 3000 établissements catholiques sont fermés. Des milliers de religieux quittent le pays. Et ce n'est pas tout. Le 20 juin 1902, Émile Combes envoie une circulaire au préfet dans laquelle il exige de la mise au pas, voire à la porte, de tous les fonctionnaires qui ne suivraient pas la ligne dure du gouvernement. Un nouveau palier est franchi. Monsieur le préfet, le suffrage universel vient de se prononcer d'une façon particulièrement éclatante en faveur du maintien et du développement de nos institutions républicaines, et le cabinet que j'ai l'honneur de présider a le devoir et la ferme volonté de suivre ces indications. Pour mener à bien l'œuvre démocratique, j'ai besoin de votre concours le plus loyal et le plus résolu, et de celui de tous les fonctionnaires qui détiennent une parcelle quelconque de la puissance publique. Je me suis mis d'accord avec mes collègues du cabinet pour qu'aucune nomination, qu'aucun avancement de fonctionnaires appartenant à votre département ne se produise sans que vous ayez été au préalable consulté. Le gouvernement ne saurait tolérer ni la moindre hésitation ni la moindre défaillance de la part des fonctionnaires auxquels il délègue son autorité et dont le premier devoir est l'attachement absolu à la République. Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire. Du côté des conservateurs catholiques, ces bouleversements ne passent pas, évidemment. Évêques et cardinaux dénoncent des persécutions dont ils seraient victimes et dans les paroisses, des incidents parfois violents se multiplient. Émile Combes doit donc se résoudre à retarder la loi de séparation. Et il s'en explique aux députés le 26 janvier 1903. Quand nous avons pris le pouvoir le 26 janvier 1903, bien que plusieurs d'entre nous fussent partisans de la séparation des Églises et de l'État, nous avons déclaré que nous nous tiendrions sur le terrain du Concordat. J'aspire à l'époque où la libre pensée, appuyée sur les seules doctrines de la raison, pourra conduire les hommes à travers la vie, mais ce moment n'est pas encore arrivé. À l'Assemblée, l'immobilisme de Combes en agace plus d'un qui voudrait battre le fer quand il est chaud. Tout cela, chez les radicaux et les socialistes, estime qu'une loi de séparation est nécessaire et qu'il faut en discuter les contours le plus vite possible. Alors, au printemps 1903, une partie des députés de gauche décide de contourner l'exécutif. Ils élisent une commission parlementaire qui devra préparer un rapport sur la future loi avant que celle-ci soit débattue à l'Assemblée. Ainsi, le 11 juin, une commission de 33 députés est élue par le Parlement. Sa composition reflète bien celle de l'Assemblée. Sur les 33, 17 sont ouvertement favorables à la séparation, tandis que les 16 autres veulent conserver le régime du Concordat. Toutes les sensibilités ou presque sont représentées, de l'anticléricalisme virulent, une seconde nature, jusqu'au conservatisme religieux, une autre seconde nature. Pour le poste de rapporteur de la commission, Jean Jaurès, alors député du Tarn, suggère à un jeune confrère de gauche de se présenter. Il s'appelle Aristide Briand. Issu d'un milieu modeste et catholique, cet ancien avocat de 42 ans baigne depuis son plus jeune âge dans l'extrême-gauche anarcho-syndicaliste. Son rôle de rapporteur est délicat. C'est lui qui doit orienter les débats et créer un consensus au sein de la commission. Pourtant, du côté des parlementaires, personne ou presque ne prédit un grand avenir à cette entreprise après tout. Si cette loi ne cesse d'être repoussée, ce n'est pas pour rien. Briand, lui, y croit. Mais il sait que la tâche sera difficile. Le 20 octobre 1903, les 33 députés de la commission se mettent au travail. Dans le huis clos d'une salle du Parlement, les réunions s'enchaînent, animées, passionnées. Ainsi, la France la plus extrême des séparatistes, emmenée par le Varois Maurice Allard, milite-t-elle pour une destruction complète de l'Église ? Comme en témoigne la lecture d'un texte du député Allard d'inspiration socialiste et révolutionnaire. Il a fallu la Renaissance. Il a fallu la Révolution pour redonner au cerveau de notre race sa véritable puissance de normale évolution et sa possibilité de progrès. Sous l'influence du judéo-christianisme, toute lumière avait disparu. Il n'y avait plus que ténèbres. Aujourd'hui encore, combien de progrès ne sont pas réalisés parce que nous traînons derrière nous ce lourd boulet de judéo-christianisme, avec son cortège de mensonges et de préjugés traditionnels. Nous combattons la religion parce que nous voyons dans la religion le plus grand moyen qui reste encore dans les mains de la bourgeoisie, entre les mains des capitalistes, pour conserver le travailleur dans un état de dépendance économique. Voilà pourquoi nous faisons la guerre à tous les cultes. Pour Aristide Briand, la destruction de l'Église est inenvisageable. Bien sûr, le pays se déchristianise dans les grandes villes, mais la majorité de la population reste attachée à la foi. Et bien que le rapporteur soit lui-même athée, il ne veut pas mettre le feu aux poudres en interdisant les cultes. Une loi de conciliation et d'apaisement est donc nécessaire, et il le fait savoir à ses collègues. Dont acte. Début juillet 1904, après 8 mois de débats internes, Briand établit une première synthèse. Pour y parvenir, il s'appuie sur une vision à la fois rigoureuse et libérale de la laïcité. Autrement dit, une séparation nette qui respecterait les libertés individuelles. Il propose donc, non seulement que l'État supprime tous ses financements destinés à l'Église, mais qu'il adopte également une position de neutralité. L'État deviendrait ainsi le garant de la liberté de conscience de chacun, tout en permettant au culte de continuer à s'exercer. Au sein de la Commission, la proposition est plutôt bien reçue, mais le débat est loin d'être clos. De nombreux détails continuent en effet d'être discutés avant la remise du rapport final. Briand ne perd pas de vue son objectif, devenu d'ailleurs obsession. Une séparation franche, mais acceptée par le plus grand nombre. De son côté, le président du Conseil, Émile Combes, voit d'un mauvais œil cette commission qui s'est constituée sans sa participation. Pour lui, le rôle des 33 est d'abord symbolique, et il compte garder la main sur la politique du gouvernement. À la fin de l'année 1904, il décide de lancer le processus sans tenir compte du travail de la commission. Il saisit donc la chambre de son projet de loi, rédigé à la hâte avec quelques-uns de ses proches. Mais l'affaire tourne court, car au même moment, le président du Conseil est éclaboussé par un scandale politique et le 24 janvier 1905, il est contraint à la démission. Bientôt, son successeur est désigné par le Parlement, Maurice Rouvier. Cet ancien ministre des Finances de 62 ans est un centriste proche du Parti radical. Et même s'il appartient à la même famille politique que Émile Combes, ses positions sur la question de la séparation sont très différentes. Il se trouve d'abord que Rouvier est croyant. Au départ, il est donc plutôt favorable au maintien du concordat. Cependant, il partage les inquiétudes de Briand face aux tensions qui divisent le pays. Pour le président Rouvier, la séparation des Églises et de l'État est inévitable. Il est donc préférable d'accompagner et de contrôler l'écriture de la loi plutôt que de la repousser. Comme cul et chemise, comme la ronce en foire, j'ai vu se constituer tant d'associations, mais il n'en reste qu'une au travers de l'histoire qui ait su nous donner toute satisfaction. Le sabre et le goupillon, l'un brandissant le glaive et l'autre le ciboire, les peuples n'avaient plus à se poser de questions, et quand ils s'en posaient, c'était déjà trop tard. On se sert aussi bien pour tondre le mouton du sabre que du goupillon. Quand un abbé de cour poussait une bergère vers des chemins tremblants d'ardentes déraisons, la belle ne savait pas, quand elle se laissait faire, qu'il condamnait l'usage de la contraception, le sabre et le goupillon. Et maintes éminences, et maint beau capitaine, reposait le guerrier de la même façon, dans le salon chinois où Madame Germaine, grâce à ses pensionnaires, réalisait l'union du sabre et du goupillon. C'était le temps rêvé de tous les militaires, on leur offrait des guerres et des expéditions. Que de manants joyeux sont partis chez Saint-Pierre, le cœur plein de mitraille et de bénédictions, et du sabre et du goupillon. Quand ils s'en revenaient, et d'Asie et d'Afrique, ils faisaient régner l'ordre au sein de la nation. Les uns possédaient l'art d'utiliser la trique, les autres, sans le dire, pensaient qu'elle a du bon. Le sabre et le goupillon. On ne sait plus aujourd'hui à qui faire la guerre, ça brise le moral de la génération. C'est pourquoi les crédits que la paix nous libère, il est juste qu'ils aillent comme consolation au sabre et au goupillon. L'un jouant du clairon, l'autre de l'harmonium, ils instruiront ainsi selon la tradition. Des craques en sambre rêveuse, des forts en télérum, qui nous donneront encore bien des satisfactions. Le sabre et le goupillon. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Au début de l'année 1905, le 9 février, le tout nouveau président du Conseil, Maurice Rouvier, saisit la Chambre du projet de loi portant sur la séparation des Églises et de l'État. Les dispositions de cette proposition reprennent en grande partie les recommandations de Briand et de ses collègues. D'ailleurs, au même moment, la Commission apporte la touche finale à son rapport et le 4 mars, le texte paraît enfin dans le journal officiel. Pour autant, l'heure n'est pas à la détente. Un dernier obstacle se présente autrement périlleux, le débat en séance publique. Il doit commencer 17 jours plus tard, le 21 mars 1905. Oui, la bataille s'annonce houleuse et interminable. En tout, 289 amendements ont été déposés. Briand dispose d'une marge de manœuvre très étroite. Il sait que la majorité séparatiste au Parlement est faible et que la loi, en conséquence, pourrait très bien ne pas passer. Et puis surtout, une loi votée par la gauche, mais refusée en bloc par les religieux, serait inapplicable sur le terrain. Il est donc nécessaire de réunir une gauche divisée, sans se mettre à dos les catholiques modérés, brillant le funambule. Dès l'ouverture des débats, le 21 mars 1905, l'extrême droite catholique monte au créneau. L'abbé Guéraud, député du Finistère, brandit carrément le spectre de la guerre civile. Le ton est donné. Au-dessus des lois que vous pouvez faire, il y a le droit de Dieu et la liberté de nos consciences catholiques. Sur ce point, nous ne transigerons jamais. Nous avons fait nos preuves depuis 2000 ans. Lorsque l'heure des persécutions sonne, nous savons y mettre la tête. Et lorsque nous aurons mis la tête, vous serez les vaincus, messieurs. Si le vote de ce projet est un gant jeté à l'Église, nous le relèverons et nous verrons qui reculera. Vous allez ouvrir une période de troubles en allumant dans ce pays une sorte de guerre civile. Malgré ces menaces à peine voilées, on sait, et Aristide Briand en tête, que cette position est loin de faire l'unanimité au sein de la droite. Car à la différence de l'abbé Guéraud, les principaux ténors de la droite catholique ont compris que la séparation était désormais inéluctable. On peut par exemple citer le très pieux Constant Grousseau, député du Nord. Bien qu'il soit contre la loi, il accepte de prendre part au débat, histoire de grappiller des concessions qui rendront la séparation, disons, moins douloureuse pour les Églises. Pour résumer, les points de discorde sont nombreux à droite comme à gauche. Et un article cristallise les tensions, le numéro 4. C'est lui qui doit définir où iront les biens de l'Église après le processus de séparation. Autant dire que l'enjeu est de taille. Dans le projet de loi, il est prévu que tous les biens de l'Église seront attribués à des associations cultuelles qui devront être constituées une fois la séparation actée. Pour les catholiques de droite et de gauche, une telle disposition est irrecevable. En effet, le régime associatif, né 4 ans auparavant avec la fameuse loi de 1901, dépend de la loi civile et non pas de la hiérarchie ecclésiastique. Il y aurait donc un risque de voir ces associations devenir des organismes autonomes. Certains évoquent carrément la perspective d'un schisme au sein de l'Église, à l'image d'Alexandre Ribot. ce député du Pas-de-Calais, fait partie de la poignée d'élus catholiques, de la majorité. Le 17 avril 1905, il interpelle Aristide Briand. Pour moi, le principe, la règle, l'idée que j'ai devant moi, c'est que l'État ne doit pas intervenir dans l'organisation intérieure des cultes. Et le jour où il les émancipe de sa tutelle, il doit les respecter dans leur organisation traditionnelle comme dans leur culte. Je veux, et je ne suis vraiment pas trop exigeant, que lorsque dans une pensée libérale, vous dites à l'Église catholique qu'elle gardera son organisation, ce soit une réalité, et non pas seulement une apparence que vous suscitez vous-même pour créer au sein du catholicisme ce que j'appelle le désordre, le renversement de son principe traditionnel, qui est l'autorité de l'évêque, l'autorité des supérieurs ecclésiastiques. Vous ne pourriez pas faire cela. Sans quoi, vous feriez une œuvre qui menacerait les catholiques dans l'existence même de leur culte. Briand est troublé par ces protestations. Alors, faut-il accepter des concessions sur l'article 4 ? Le rapporteur hésite. S'agirait-il d'un reniement de l'esprit de la loi et de la commission ? Finalement, deux jours plus tard, le 19 avril, il propose une modification de l'article 4. Désormais, le texte prévoit que les associations cultuelles pourront reconnaître l'autorité des évêques et donc s'intégrer à la hiérarchie catholique. Dans les rangs de la gauche anticléricale, c'est la consternation. À l'image de Maurice Allard, ils étaient nombreux à espérer que les associations cultuelles allaient être un moyen de détruire l'Église de l'intérieur. Écoutez sur ce point l'intervention féroce du député Allard, suivie de la réplique cinglante d'Aristide Briand. L'heure est venue pour moi de prendre une sorte de revanche et de sortir un peu des obligations dans lesquelles je me suis trouvé pendant 2 ans. Monsieur le rapporteur ne m'en voudra donc pas si je fais aujourd'hui devant la Chambre ce que je n'ai pu faire devant la Commission où nous étions obligés de voter avec la majorité. Il faut le dire très haut, il y a incompatibilité entre l'Église, le catholicisme et tout régime républicain. Le christianisme est un outrage à la raison, un outrage à la nature. Je veux donc poursuivre l'idée de la Convention et achever l'œuvre de déchristianisation de la France, qui se poursuivait dans un calme parfait, jusqu'au jour où Napoléon conclut son concordat. S'il fallait donner un nom au projet de M. Allard, je crois qu'on pourrait justement l'appeler un projet de suppression des églises par l'État. L'unité de la commission dont Allard faisait partie n'aura donc pas tenu longtemps. Pourtant, c'est bien la même question qui déchire la gauche depuis des années. Faut-il trouver un terrain d'entente avec les catholiques ou doit-on tout mettre en œuvre pour détruire l'Église ? Pour Briand, le choix est évident. Il est vital de prendre en compte la pluralité de la société française et donc de composer avec les religieux. Face aux anticléricaux, le rapporteur, développe sa pensée. Il y a des curés dans l'Église. Il y a aussi des prêtres, il y a même un pape. Que voulez-vous ? Ce sont des mots qui peuvent écorcher les lèvres de chacun d'entre vous, mais qui correspondent à des réalités. Vous voulez faire une loi braquée sur l'Église comme un revolver ? Ne sentez-vous pas quelle sera votre responsabilité si, après vous être lancé à la poursuite d'une chimère, vous aboutissiez à une réforme inacceptable pour l'Église et pour le pays lui-même ? Du côté des catholiques, c'est le soulagement. La nouvelle mouture de l'article 4 préserve l'essentiel. D'ailleurs, il doit être voté le 22 avril. Mais pour Aristide Briand, une question subsiste. Comment réagira l'aile gauche de la majorité ? Eh bien, à l'ombre des colonnes, un député prend le temps de parler avec chacun de ses confrères de gauche, indécis. C'est Jean Jaurès. À la veille du vote, on le voit dans les couloirs en grande discussion avec les anticléricaux. Patiemment, il déroule l'argumentaire de la commission. Et ce travail paye. Parce que le 22 avril, l'article 4 obtient une très large adhésion avec 482 voix contre 52. Évidemment, c'est une victoire capitale pour Briand, mais aussi pour Jaurès. D'ailleurs, celui-ci envisage ce vote comme un tournant décisif en faveur de la loi et il le fait savoir dans les colonnes de la Dépêche de Toulouse. La séparation est faite. En votant l'article 4, la droite s'est retirée à elle-même tout droit, tout moyen de crier à la persécution et à la violence. En fait, c'est l'acceptation implicite de la réforme par le pays tout entier, et on ne peut pas concevoir un résultat historique plus important et plus heureux. Une fois l'obstacle de l'article 4 surmonté, Briand sait que le plus dur est passé. À l'Assemblée, les débats se poursuivent pendant tout le mois de mai. Un à un, les articles sont votés. Pendant les discussions, Briand maintient la souplesse qui le caractérise depuis qu'il a été nommé rapporteur 2 ans plus tôt. Finalement, après 3 mois et demi de débat, les députés doivent procéder au vote. Et comme nous l'avons vu précédemment, le résultat est triomphal pour Briand. 5 mois plus tard, le 6 décembre, c'est au tour du Sénat de voter. Là encore, c'est un succès pour la Commission. 181 voix se prononcent pour la séparation, 102 contre. 3 jours plus tard, le 9 décembre, la loi est promulguée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1906. À gauche comme à droite, tout le monde salue la détermination, l'intelligence et l'habileté dont a fait preuve le rapporteur Briand. Avec cet épisode, il devient un poids lourd de la politique française. Surtout, 1905 marque la fin de plus d'un siècle de concordat. Les églises françaises deviennent des associations de droit privé. Au Vatican, les dignitaires sont furieux. Ils menacent même les parlementaires qui ont voté la loi d'excommunication. Excommunication. Chose étonnante, à aucun moment dans le texte de loi, le mot laïcité n'est prononcé. Pourtant, cette loi de 1905 invente ce qu'on appellera plus tard la laïcité à la française. Désormais, chaque individu sera libre de croire ou pas au sein d'un État libéré des influences religieuses. Un trésor, un acquis fondamental, pourtant toujours en débat un siècle plus tard. There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne. She cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march. It's a cone and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État, dont nous allons parler avec vous, Valentine Zuber. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne spécialiste de l'histoire de la liberté religieuse en Europe et de la laïcité en France et ailleurs. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la question. Je cite le dernier, La laïcité en débat au-delà des idées reçues, paru aux éditions du Cavalier Bleu en 2017, mais aussi Le culte des droits de l'homme, paru chez Gallimard en 2014. Alors, dans les médias ou dans les conversations privées, on dit souvent la séparation de l'Église et de l'État. Là, nous sommes dans un processus historique, donc qui se nourrit de précision. C'est donc la séparation des Églises et de l'État. Quelle est la nuance ? Elle est considérable, parce que la France est un des premiers pays européens à avoir reconnu plusieurs cultes différents, dont un culte non chrétien, le judaïsme. Mmh. Et ça, dès 1801-1802. Donc, il s'agit bien de quatre cultes qui étaient concernés par cette loi de séparation. Évidemment, en premier chef, l'Église catholique. Majoritaire. Majoritaire, en tout cas, oui, majoritaire depuis toujours. Mais aussi les cultes protestants, luthériens et réformés. Et ce culte israélite, donc, qui avait été quasiment créé par Napoléon en 1808. Alors, est-ce qu'on pourrait, avant de revenir sur un ou deux points de l'histoire de cette loi, parce qu'elle a été balayée quand même pendant le récit, faire le point sur ce mot laïcité, qui est si présent dans le débat, et qui parfois peut être difficile à comprendre dans tous ses contours, d'autant plus qu'il est utilisé, voire exploité, ce concept de laïcité. Qu'est-ce que ça veut dire, la laïcité, on va dire, à la française ? Alors, on va peut-être commencer par laïcité tout court. Et on verra comment, la déclinaison française. La laïcité qualifie un système juridique, politico-juridique, qui concerne les relations entre un État donné et différentes religions. Dans le cas de la France, donc, il s'agissait de réguler les relations entre l'État et les quatre cultes reconnus, puis séparés. L'État était déjà neutre au XIXe siècle, pendant la période concordataire, puisqu'il ne choisissait pas entre les cultes. Il ne se disait ni catholique, ni protestant, ni juif. Il était neutre vis-à-vis des cultes. Mais la laïcité, à travers la loi de séparation, va encore plus loin. L'État est non seulement neutre, mais il est aussi indépendant de ces différentes prescriptions, de ces différentes institutions religieuses et de leurs prescriptions éventuelles du point de vue politique. Donc la laïcité d'un État, c'est à la fois la possibilité, la garantie pour les citoyens de cet État de ne pas subir de discrimination en fonction de leurs identités ou de leurs valeurs, qu'elles soient religieuses ou non. L'État les traite à égalité, les uns et les autres. Et par ailleurs, les églises sont reconnues comme des associations collectives, mais qui ne relèvent pas de l'administration publique, qui ne relèvent pas du public, mais qui relèvent du domaine privé, comme cela a été dit dans le commentaire. Et en France, est-ce que la laïcité en France est considérée comme un modèle particulier ou peut-être un modèle qui pousse le plus loin la logique qu'on vient de développer ? Alors oui, le modèle français pousse très très loin cette laïcité de l'État, à la fois comme garant de la liberté de conscience et aussi séparé des organismes théologiques. Mais il y a d'autres pays dans le monde qui ont connu cette séparation juridique entre l'État et les différentes religions. Et le premier d'entre eux, ce sont les États-Unis d'Amérique, qui dès 1791 ont séparé complètement et de manière très rigoureuse l'État et les différentes religions représentées dans le pays. Pourtant, un président américain prête serment sur un livre religieux. Enfin, il évoque Dieu. Oui, il peut évoquer Dieu, parce que la culture... Vous imaginez en France comme ça choquerait. Oui, évidemment, ça choque. Ce n'est pas du tout la même culture. Aux États-Unis, les religions extrêmement plurielles, extrêmement nombreuses, qu'on appelle les dénominations, cherchaient à se défendre contre l'emprise de l'État. Mmh. En France, on est dans une logique historique très différente. C'est l'État qui veut s'émanciper de la tutelle de l'Église. Donc on est à front renversé. Absolument. Mais la séparation est la même, d'un point de vue principiel. Alors, c'est arrivé en 1905. Ça aurait pu arriver avant, voire après. Il y a eu un contexte porteur de cette réforme. C'est quoi les piliers de ce contexte-là ? Pourquoi, à votre avis, on a poussé à bout le raisonnement jusqu'à une loi à ce moment-là ? La loi était très tardive. hein, sous la Troisième République. Parce que la séparation des Églises et de l'État, c'est un projet républicain depuis plus d'un siècle. Et qui s'est, d'abord, qui a déjà été réalisé sous la Révolution, vous l'avez rappelé, de manière tout à fait discrétionnaire et unilatérale. Et puis, Napoléon a repris les choses, a réorganisé le rapport entre l'État et les cultes en insistant sur une subordination des cultes à l'État. Hein. Oui, quand même. La police des cultes était extrêmement tatillonne, que ce soit vis-à-vis de l'Église catholique ou des autres cultes. Et puis, c'est un projet qui a ressurgi dans le programme républicain à la fin du Second Empire. Gambetta, Victor Hugo, donc tous ces gens-là aspiraient, c'était inscrit noir sur blanc dans leur programme. Ça a été appliqué de manière très brève et très douloureuse sous la Commune en 1871, et ça sorti finalement du programme républicain, ou en tout cas, ça a été mis sous le boisseau pendant plus de 30 ans après, à cause des exactions anti-religieuses de la Commune. Et c'est parce que il y a eu l'affaire Dreyfus, parce que il y a eu ce légitimisme catholique qui menaçait la République, enfin en tout cas qui semblait menacer la République, un certain nombre d'incidents diplomatiques qui en fait que cette loi s'est imposée à ce moment-là. Très bien, c'est très clair. Bon, écoutez, Georges Brassens, avant de continuer à discuter de la laïcité, on parle de la laïcité aujourd'hui en France, Georges Brassens, Tempête dans un bénitier. Tempête dans un bénitier, le souverain pontife avec les évêques, les archevêques, nous font un satané chantier. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. À la fête liturgique, plus de grande pompe soudain. Sans le latin, plus de mystère magique. Le rite qui nous envoûte s'avère alors anodin. Sans le latin, et les fidèles s'en foutent. Ô très sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Je ne suis pas le seul morbleu, depuis que ces règles sévissent, à ne plus me rendre à l'office dominical que quand il pleut. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. En renonçant à l'occulte, faudra qu'il fasse Tintin. Sans le latin, pour le denier du culte. À la saison printanière, suisse bedeau sacristain. Sans le latin, feront l'église buissonnière. Autre sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Ces oiseaux sont des enragés, ces corbeaux qui s'y rognent tranchent, la Seine est bonne vieille branche de la croix où ils sont perchés. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. Le vin du sacré calice se change en eau de boudin. Sans le latin, et ses vertus faiblissent. À Lourdes, c'est tout bien Parme, comme à Quimper Corentin. Le presbytère sans le latin a perdu de son charme. Ô très sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. Le vin du sacré calice se change en eau de boudin. Sans le latin, et ses vertus faiblissent. À Lourdes, c'est ou bien Parme, comme à Quimper Corentin. Le presbytère sans le latin a perdu de son charme. Autre sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. soin de soi. Valentine Zuber, avez-vous l'impression, je rappelle que vous êtes historienne spécialiste de l'histoire de la liberté religieuse en Europe et de la laïcité, avez-vous le sentiment que le fait religieux remonte aujourd'hui, revient avec plus de force qu'avant? Alors c'est un grand débat hein, parmi mes collègues universitaires qui travaillent sur justement le religieux dans l'ère contemporaine. Il y a eu cette impression, oui, d'un retour du religieux sur la scène internationale et dans les espaces. Mais c'est peut-être une illusion d'optique, une sorte d'illusion d'optique, parce que en fait le religieux était mis sous le boisseau par toutes ces grandes idéologies laïques et politiques telles que le communisme, voilà. Libéralisme. Oui, exactement. Et lorsque le mur de Berlin s'est effondré, et puis il y a eu aussi ce premier choc qui a été la révolution iranienne en 1979, mais dans cette séquence 1979-1989, la faillite des grandes idéologies, leur évanouissement a fait que les problèmes identitaires et culturels qui, à coloration religieuse, ont pris évidemment beaucoup d'ampleur dans l'actualité. Bien sûr. Est-ce que la loi de 1905, dont on a tant parlé, vous paraît plus précieuse encore aujourd'hui? Alors, sous cette question, il y en a une autre. Est-ce que vous la voyez récupérée, parfois, ou faisant l'objet de débats qui parfois détournent l'attention, qui parfois en rajoutent dans la tension et en deux mots, pour le coup? Est-ce que la loi de 1905 vous semble porter ce genre de débat aujourd'hui? Non, je ne crois pas du tout. Je crois qu'il y a un véritable consensus autour de la loi 1905, et en particulier ces deux premiers articles qui ont été énoncés pendant le reportage. Le premier, qui est un article extrêmement libéral et qui fait l'État le garant absolu de la liberté de conscience des individus, mais aussi des libertés collectives porté par les différents cultes, et cet article 2 qui est peut-être la spécificité française de la laïcité séparatiste, où l'État renonce à reconnaître et à subventionner toute affaire religieuse. Mais est-ce que vous vous la sentez instrumentalisée parfois contre certaines églises, on va dire, les églises, certaines religions? Est-ce que la laïcité peut être instrumentalisée? Alors, la loi elle-même, non, parce qu'elle est extrêmement claire, et puis tous les articles de police des cultes ont été modifiés à de multiples reprises, hein, elle n'est pas intangible. Les principes résistent. En revanche, c'est les opinions particulières sur les inflexions philosophiques, idéologiques que doivent prendre l'État face aux religions. Et c'est ça qui foisonne dans le débat public, et il y a peut-être pas une instrumentalisation, mais il y a une confusion entre l'aspect juridico-politique de la laïcité à la française, qui est très bien établie, qui est en train d'évoluer avec la loi, le projet de loi en cours, et puis les opinions particulières dont vous avez montré plein d'illustrations tout à fait intéressantes, parce qu'on réentend ce genre de discours, ce genre de polémique actuellement. Une toute dernière question, mais il reste quelques secondes. En son temps, Nicolas Sarkozy avait parlé de laïcité positive, et on lui a répondu, la laïcité ne doit pas être positive ou négative, elle doit être laïque. Laïcité positive, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il y a tout un débat sur l'adjectivation du terme de laïcité, et c'est presque tabou de vouloir ajouter un adjectif. Mais en revanche, on peut quand même discerner plusieurs types de laïcité. Par exemple, Régis Debray a parlé de laïcité d'intelligence et non pas d'interdiction. Et je pense que c'est à ça qu'il faut continuer à aspirer. Merci infiniment, Valentine Zuber, pour tous vos éclairages sur cette question de la laïcité. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, 1905, l'éternel débat. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr, bien sûr. Merci à Tiffany Battistel qui était à la technique aujourd'hui. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Margot Pinel, Jeanne Maillard et Guillaume Ballandras. Attaché de production, Rebecca de Nantes. Programmation musicale, Muriel Perez. Lecture, Clémence Titioli, Aurélien Labrouillère et Philippe Pierrard. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelay, Coyenne Guyenne et Benjamin Riquet.